RJV, la joie de la FM. La radio de tous les instants. Cet été, vivez un moment unique en famille. Le Yeshua Festival 2025 vous accueille samedi 19 juillet dès 18h30 à Polina, à Matoury. Avec Dena Moana, Dan Luiten, Elisheva, Alex Corvo, GHK, les groupes gospel des églises et plein de surprises. Village enfant, animation, restauration, tout est prêt pour vous accueillir. Réservez vite sur yanaprod.fr. Yeshua Festival 2025, un événement Yanaprod pour grandir ensemble dans la foi. Tarif enfant 5 euros, tarif adulte 35 euros, disponible à la boulangerie Délices d'Elohim, à la librairie du CCI et à la librairie Les Délices de la Vie. Chers auditeurs, c'est l'heure de la prière, une émission de la radio Joie de Vivre. Pour tous ceux qui veulent écouter et avoir une conversation avec celui qui répond à toutes vos demandes. La foi fait faire tant de miracles. On n'en fait quand on croit. Demain reste inconnu. Étranger sur la terre, voyageant vers le ciel, notre chemin continue. Chaque jour nouveau, chaque instant qui vient, nous avancerons conduits par sa main. Et nous chanterons au long du chemin la chanson du pèlerin. Parfois la nuit nous entoure, nos fardeaux semblent lourds, mais la croix nous relève pour crier sur les toits, éternel est son amour. Chaque jour nouveau, chaque instant qui vient, nous avancerons, conduits par sa main, et nous chanterons au long du 13h. Nous avancerons, conduits par sa main, et nous chanterons au long du chemin.